les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingret, qui vous livre ses bons plans vosgiens. Ça vous dira aussi à vous, auditeurs des Vosges, samedi, le samedi sur Radio Caraïbes Nancy, 90.7 FM, sur les Grands Nancy, et de 13h à 13h30, et lors de la rediffusion, le dimanche à 6h. Et sur Radio Guémozo, le samedi à 8h30, au 107 FM sur les Grands Remiremont. Bonjour auditrices et auditeurs des Vosges samedi de, je dirais de la rentrée, même si cette émission en première diffusion passe le 31 août et sera rediffusée dans le courant du mois de septembre, parce que notre invité, et surtout ce dont il va nous parler, est très raccord d'ailleurs avec notre bande-annonce aux intonations espagnoles, car il y a un festival dans les Hautes-Vosges, presque les Hautes-Vosges, à Rang-au-Bois. Et notre invité, bonjour Michael. Bonjour. Alors, ce festival, comment s'appelle-t-il ? Se nomme Festi et la Vida, à Rang-au-Bois. Et il est porté par une association qui a aussi une connotation un peu espagnole dans son appellation. Oui, l'association Tatou la Vida. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas parfaitement l'espagnol, tout ça veut dire quoi ? Alors, déjà, le nom de l'association, ça signifie ? Tatou la Vida, à la base, c'est par rapport à l'histoire de la création de l'association. On a trois amis qui sont partis découvrir l'Amérique du Sud en 2005, du nord au sud. Et on a créé l'association, on cherchait un nom. Tatou, c'est Tatou de la vie pour faire des choses, pour agir. Et puis, alors, notamment, cette association a fait donc ce festival qui a déjà quelques années de vol, on va dire, puisque si l'association s'est créée en 2005, ça fait un certain nombre déjà d'éditions de ce festival. Festi la Vida, alors ça signifie ? Festi la Vida, c'est le nom du festival qui reprend une partie du nom de l'association. Et donc, c'est la fête de la vie, un peu. La fête de la vie. Alors justement, l'intérêt que tu sois présent dans nos studios pour parler de Festi la Vida, parce que Festi la Vida, ce n'est pas que un festival, entre guillemets, comme vous avez pu peut-être en vivre au fil de cet été, avec des concerts, je dirais presque des concerts, point barre, et quand je dis point barre, c'est tireuse à bière. Non, il y a, bien sûr, il y a cela, mais il y a plein d'autres choses. Alors, quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout le festival, comment tu pourrais le présenter pour qu'il se rende à Rang-au-Bois? Alors, tout de suite, les dates aussi. Donc, le 28 et 29 septembre, à Rang-au-Bois. Le samedi, on commence à 16h, le 28. Voilà. Et puis, également, Rang-au-Bois, avant de reprendre l'esprit un peu de ce festival, Rang-au-Bois, ça se trouve où ? Rang-au-Bois, c'est à 10 minutes de Remiremont. C'est entre Certigny et Remiremont, à peu près, pour situer dans les Vosges. Voilà. Donc, en fait, c'est facile d'accès quand on connaît. Vous prenez votre GPS chéri ou une carte routière, tout simplement. C'est entre Épinal et Remiremont, mais en passant par les bois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre la voie rapide qui est gratuite entre Épinal et Remiremont. Il y a plein de routes entre Épinal et Remiremont qui permettent de rejoindre Rang-au-Bois. Mais sinon, effectivement, vous pouvez quitter cette voie rapide à Épinal en passant par Xertigny, en allant vers Arombois. Vous pouvez, si vous venez de Remiremont, et je pense à nos auditeurs de Radio Gamouzo, eh bien, vous êtes à quelques encablures de Arombois. On dirait presque que la route, elle domine Remiremont dans les bois, justement. Versant, pour ceux qui connaîtraient moyennement, grand versant plombière, quoi, en direction plombière, si on veut, mais dans la forêt, tout près de Remiremont, voilà, donc Raon-au-Bois. Alors, on fait dans le covoiturage, pourquoi pas on fait dans le vélo, hein, parce que c'est pas non plus très loin de Remiremont, mais les transports en commun, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Et puis, en plus, le samedi et le dimanche, c'est encore plus compliqué pour certaines zones un peu excentrées et surtout délaissées. Les transports en commun sont souvent encore un peu existent en période scolaire, ce qui sera le cas d'ailleurs, puisque le festival a lieu le dernier week-end de septembre. Alors, l'esprit de ce festival, Michael, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? À la base, on a créé le festival pour partager notre passion autour de la nature et de la musique. Donc, on voulait que ce soit gratuit et qu'on fasse découvrir toutes les associations et artisans des Vosges locaux autour de Raon. On voulait surtout participer et faire participer les gens qui produisent de la viande locale ou de la bière locale. L'entrée du festival est gratuite. Et par contre, la restauration et l'alcool et la boisson, c'est nous qui nous en chargeons avec des aliments bio ou locaux. Voilà. Alors, qui dit alcool, comme nous sommes en radio, avec modération. Bien sûr. De toute façon, si c'est sans modération, il y a une aire de repos hein, pour ceux qui viendraient pas tout près. Bon, c'est pas un camping, mais enfin, on peut poser son véhicule et puis s'assoupir même assez longtemps, puisque l'alcool, ça redescend très, très lentement. Hein. C'est pas parce que vous aurez passé une petite nuit que vous serez frais et dispo si vous avez un peu fait sans la modération la veille au soir, donc ou au petit matin. Parce que justement, les horaires, alors ça commence le samedi à 16h, jusqu'à quelle heure à peu près dans la nuit du samedi au dimanche? Jusqu'à 1h30, on arrête de vendre des jetons, la monnaie du festival, on arrête de la vendre à 1h du matin le samedi, pour pouvoir faire les remboursements éventuels. Et le dimanche, on rouvre à 11h jusqu'à 18h. Donc, jusqu'à 18h. Alors, ce festival, bien sûr, il y a de la musique. Est-ce que tu peux déjà nous donner la programmation sur les deux jours? Et puis, on va reprendre un peu cette programmation dans le détail au fil de cette émission Les Vosges Samedi du 31 août. Déjà, le samedi, alors la programmation musicale. Oui, donc samedi, le premier groupe commence vers 17h30. C'est Handel Whisker avec un invité qui s'appelle Charlie Hellard. C'est un groupe vosgien qui fait ses propres compositions. Dans le festival, on met l'accent là-dessus. On évite des groupes qui font seulement des reprises. Donc, Handel Whisker chante plutôt électro-rock, chansons françaises, pop, rock-pop. Et ensuite? Ensuite, on a ASK. C'est un groupe troyen qui passe de 19h30 à 20h30. C'est plutôt rock, fusion, hip-hop. Ensuite, The Yokel, groupe messin, qui fait plutôt du folk, des chansons beaucoup axées autour de la nature, bluegrass, etc. À partir de 21h jusqu'à 22h30. The Yokel, c'est un peu notre tête d'affiche cette année, avec Radio Bistro à la fin, qui est plutôt du rock, un peu ska. C'est très festif pour finir de 23h à minuit 30, 1h, voilà. Eh bien, on va déjà se faire une illustration musicale avant de reprendre justement la programmation du dimanche et surtout tout ce qui se passe aussi à Festi La Vida, dernier week-end de septembre à Raon-au-Bois. We'll be right back. Voilà, là, je vois les jeux du quasi-direct. Et non, nous enregistrons un peu avant pour que vous ayez justement toutes les informations concernant ce festival du 31... l'émission elle est du 30, première diffusion le 31 août. Et le festival, c'est donc fin septembre, le dernier week-end de septembre, le 28 et 29 septembre. Et nous avons dans l'émission Les Vauchamdis, Michael, un des animateurs, organisateurs, ils sont beaucoup d'autres, hein, de ce festival, Festi La Vida à Rang-aux-Bois. Alors, nous venions d'entendre un groupe qui va se produire donc le samedi. C'est ça, Handel Whisker. Voilà. Alors, pour nos auditeurs qui prendront en route cette émission, les noms des groupes qui vont se produire le samedi, tout d'abord, donc celui-ci qui commence... à partir donc de 17h30, voilà. Ensuite, après Handel Whisker et Charlie Hellard, on a ASK, le groupe troyen, puis The Yokel à 21h et Radio Bistro à 23h. Et ça se poursuit donc au niveau musical le dimanche. Alors, les groupes du dimanche. Donc le dimanche, on ouvre à 11h et on a un petit apéro-concert, comme on l'appelle, avec Suzanne. C'est de la musique balkanique de chambre. Donc le dimanche, ils jouent dehors sur une scène extérieure et c'est assez sympa, quoi. C'est toujours ensoleillé. C'est vrai qu'en plus, vous avez toujours du beau temps, hein, sauf exception, mais c'est vrai, vous avez toujours du beau temps. Puis en plus, il y a cette grande salle qui permet... éventuellement, si exceptionnellement il y avait quelques gouttes, les concerts se passent à l'intérieur, enfin disons d'une grande salle, et puis la restauration, enfin, c'est bâché aussi, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de soleil. Hein. Oui. Oui, la soirée est fraîche, hein, comme le fin septembre, dans les Vosges, mais sinon on a toujours du soleil, on a de la chance, on touche du bois, mais Voilà, si vous voulez faire un week-end dans les Vosges, c'est ce week-end-là. Voilà, dernier week-end de septembre à Rambois. Alors, programmation du dimanche. Donc ensuite, l'après-midi, on a une représentation folklorique avec les Chétas de la Vosges qui jouent une musique folklorique, accordéon, épinette des Vosges, et qui présentent leurs costumes et danses traditionnelles. Et ensuite, le soir à 17h, on a notre dernier concert, c'est Gasoil, un slammer rural, comme on l'appelle, qui a une écriture très atypique et qui va nous slammer ses chants comme il sait si bien le faire. Gasoil. Alors, Gasoil, il vient de où comme c'est quand même Grand Est, hein, votre programmation. Gasoil, il est vosgien, mais je dois vérifier ça. Bon, je ne suis pas sûr de moi. De toute façon, les Vosgiens s'expatrient beaucoup. Hein, on oublie un peu leur origine. Voilà. Leur origine, leur racine, on va dire. Eux ne les oublient pas, mais ensuite, bon, comme ça zone beaucoup après au niveau artistique, on ne sait plus parfois qui est d'où. Alors, il y a cette programmation musicale. Alors, donc, on rappelle, hein, festival gratuit. Pour ce qui est consommable, ce que vous consommez, bien sûr, c'est comme ça que vous participez, en consommant et en payant ce que vous consommez. C'est vrai, en plus, la nourriture est excellente, hein, parce que c'est produit local, ce sont des produits locaux, et puis c'est fait maison, en fait. Hein. Oui, chaque année, on essaie de renouveler un peu les produits ou surtout les recettes. Mais enfin, traditionnellement, on retrouve toujours notre saucisse fumée, les sandwichs Munster, tartines Munster, chèvre, etc. Et puis, pour ceux qui ne veulent pas manger de viande et tout ça, il y a possibilité aussi. Hein. Oui. Il y a toujours un côté vegan ou végétarien. Enfin, il y a toujours une possibilité différente, on va dire, aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, en fait, c'est un festival très tolérant au niveau... On essaye. On essaye d'attirer surtout le but de la gratuité, c'est que tout le monde puisse venir, toutes les bourses, tous les âges. Et on essaie que tout le monde puisse s'amuser. Voilà, le samedi, c'est plutôt festif avec des concerts et le dimanche, c'est plus familial. On a des jeux en bois pour les enfants, on a tout un tas d'ateliers pour satisfaire petits et grands. Alors justement, c'est aussi l'intérêt de ce festival, c'est qu'il y a un certain nombre d'associations qui sont invitées, qui tiennent des stands, qui tiennent des ateliers. Je signalais par exemple Oiseau Nature, hein, qui est une association donc, sur les Vosges. Et là, par exemple, ils montrent comment faire... C'est un exemple, l'année dernière, comment faire des nichoirs, enfin des choses comme ça. Mais cette année, vous avez mis davantage la lumière sur une association pour cette édition 2019. Alors, quelle est-elle et que propose-t-elle justement au public ? Oui, ce sont les Jardins en Terrasse de Plombières-les-Bains. C'est une association qu'on invite chaque année. Et cette année, on a décidé de les mettre en lumière parce que c'est un peu notre partenaire depuis le début du festival, depuis qu'on est installé à Raon. Et c'est vrai qu'ils ont eu quelques difficultés récemment. Et on a envie de présenter ce qu'ils font. Et puis, il faut surtout pas que ça s'arrête. Voilà. Oui, parce que c'est une association de façon globale. Bien sûr, ils font des jardins, hein, donc bio. C'est couplé avec une entreprise d'insertion également. Hein, et puis aussi toute une animation aussi bien culturelle qu'au niveau de la nature. Et c'est vrai que comme ils ont un certain nombre de frais, comme toute association, eh bien, c'est sûr que sitôt qu'il y a des partenaires institutionnels qui ont des velléités de se désengager, quelles que soient les raisons, hein, déjà il y a des raisons financières parce que si déjà on réduit les financements au niveau local obligatoirement en fin de chaîne, c'est sur les associations que le coup prétombe. Si notre cher gouvernement continue à réduire tous ces financements, eh bien, obligatoirement, ce sont des actions hyper intéressantes, comme par exemple le jardin terrasse, qui peuvent en faire les frais, même s'il peut y avoir des fois d'autres composantes locales qui se greffent en plus là-dessus. Donc, les jardins, terrasses. Est-ce qu'il y a d'autres stands? Enfin, il y en a un certain nombre hein, de producteurs, d'artisans qui fabriquent un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres stands dont tu souhaiterais justement informer les auditeurs par rapport à l'intérêt aussi pour cela de venir à Rouen-au-Bois le dernier week-end de septembre à Festival Vida? Oui, le programme est en préparation, mais on a d'ores et déjà plus de 25 associations ou artisans qui seront présents. Donc, c'est surtout les jardins en terrasse qu'on voulait mettre en évidence. Eux présenteront leurs partenaires aussi. Ils vont présenter toutes leurs associations. Nous, en dehors de ça, on aura des ateliers habituels, l'atelier musique verte avec l'association, etc. Par exemple, on a toujours un tourneur sur bois. Cette année, ce sera un nouveau, Jonathan Villemain. Mais tourneur sur bois, mais sans électricité. Mmh. Donc, quelqu'un qui pédale, voilà. On a tout un tas, on a des sensibilisations sur l'économie d'énergie, avec Pédale Téwatt. Oui, d'ailleurs, ils seront là. Ah oui, c'est là d'ailleurs que je les avais découverts. Alors, Pédale Téwatt, auditeur des Vos Chamdi, si vous faites un événement un peu paumé dans la nature ou si vous voulez tout simplement économiser l'énergie, la première économie d'énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas, eh bien, Pédale Téwatt, c'est une association, ils amènent les vélos et ils vous sonorisent un lieu, ils vous expliquent aussi comment réduire, pourquoi pas, votre demande énergétique pour qu'il y ait de la musique sans obligatoirement avoir X décibels. Et c'est vraiment intéressant disons, d'une part animation, parce qu'on voit les enfants, les adultes qui pédalent, et puis aussi comme démarche, hein, Pédale Téwatt, vous pianotez Pédale Téwatt, voilà. D'autres associations, avant de faire une autre illustration musicale d'un groupe qui va se produire à Festival Vida. Oui, comme d'habitude, on a les petits débrouillards du 54. Ils présenteront des ateliers avec des défis scientifiques. On a encore une vingtaine d'associations. Il y a Artisans du Monde qui sera là. Il y a des accessoires de mode avec la petite Fécalie. Un coiffeur végétal bio. Mmh. Laurent Toussaint. Et, ah bon mmh. Ouais, on a des spécialistes du cuir. On a... Oui. Les ateliers de la Libellule qui fabriquent des jouets en bois, voilà. Oui, allez, donc, et puis tout ça dans une ambiance vraiment décontracte, comme il y a de l'électricité sur place, c'est vrai que la nuit, les stands continuent à être ouverts, hein, à être animés. Et puis voilà, c'est un peu aussi un peu comme un camp d'Indiens, c'est-à-dire que tout est un peu centralisé en rond. Hein. Il y a un côté sympa au niveau du lieu même. Non, c'est-à-dire que vous n'avez pas des voitures qui passent à proximité, vous pouvez lâcher vos enfants, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a la route du village, mais c'est vrai que selon l'affluence, il y a beaucoup de gens qui se garent, donc les voitures. Voilà. Roule autre au pas. Tout à fait. Allez, petite pause musicale. Un groupe qui va se produire également à Festival Vida le dernier week-end de septembre. Alors, ce groupe que vous entendrez en entier se produira, parce que là, on est obligé, compte tenu des contraintes de temps, de le chanter. Alors, il se produira le samedi. Samedi, à partir de 21h. Et c'était The Yokel. Yeah. Donc, exceptionnellement d'ailleurs, vous n'écouterez pas que les Vosgiennes sont belles de Dominique Balter, cette parodie de Que la montagne est belle, parce qu'on terminera par Radio Bistrot d'ailleurs, qui se produit également le samedi. À quelle heure le samedi Radio Bistrot ? 23h à partir de 23h. Alors, Michael, notre invité pour Festi la Vida. Alors, une adresse, un site pour avoir davantage d'informations pour nos auditeurs. Oui, donc on retrouve toutes les informations du Festi 2019 sur tatoulavida.org. TATOULAVIDA, tout attaché. Et puis sur un mot. Et sur une page Facebook, Association Tatou la Vida. Voilà. Donc, un grand merci à Thomas pour cette mise en onde, pour RCN, un grand merci à Lia pour RGM, un grand merci à Michael pour Tatou la Vida, pour la présentation de ce festival, Festi la Vida à Rambois. Alors, une mise en garde aux auditeurs, votre radio fonctionne bien. C'est simplement Radio Bistrot qui a une introduction volontaire, un peu technique, mais ça ne dure pas longtemps. Et après, vous entendez complètement le morceau, vous entendez d'une façon audible le morceau de Radio Bistrot, peut-être pas complètement en fonction du temps. Là aussi, vous pouvez le retrouver le 29 septembre à Rambois, donc en fin de soirée. Merci Michael. Merci pour l'invitation. Merci Hélène. Et puis merci à vous surtout pour ce festival Festi la Vida. Allez, Radio Bistrot, échangez pas d'antenne. Vous êtes bien, bien, bien sur ces radios associatives. La chanson vérité comme l'on pousse un cri. Un mon grand désarroi, stérile sont mes mots. Mais je garde la voix rêvant de chanter plus haut. Eh oh, je voulais chanter plus haut. Eh oh, eh oh, eh oh, je voulais chanter plus haut. Eh oh, pousser le son de la radio. Changer le monde, alors un chanteur de fête, on n'y croit pas une seconde. Son emprunt, mon âme, mon cœur, mes idéaux. Et c'est sans état d'âme que je le dis fort et haut. Eh oh, je voulais chanter plus haut. Eh oh, eh oh, eh oh, je voulais chanter plus haut. Eh oh, pousser le son de la radio. Système qui m'agace et rassembler la populace pour ne plus jamais perdre face. Poser le poids de nos souffrances, de nos pensées inassouvies et basculer vers l'espérance sur la balance de la vie.